Et voilà, c'est parti. Numéro 149. L'engagement. Je me suis intéressé à ce sujet-là parce que je remarque une chose, c'est que les gens ont de la difficulté à avoir une continuité dans le couple, dans le travail, dans bien des choses qui sont, entre guillemets, périphériques à leur vie et puis qui est essentielle à leur vie. Tu sais, le travail, s'engager dans le travail, c'est comme toujours conditionnel à un patron ou conditionnel à un marché ou conditionnel à quelque chose. S'engager en couple, c'est comme toujours conditionnel au fait que l'autre t'aime. T'engager dans l'éducation d'un enfant, c'est comme toujours conditionnel à ses résultats. Peu importe la forme d'engagement que vous avez, quand vous êtes dans des jeux d'âme ou des jeux d'ego, c'est toujours en fonction d'une condition. Et cette condition-là, tant qu'elle est basée à un aspect périphérique de votre vie, c'est mené par l'astral, c'est mené par l'entité qui vous habite. C'est mené par. Tu es obligé de vous dire ça de même parce que vous allez comprendre qu'est-ce qui fait que l'astral est sous votre cas. Une entité est sous votre cas pour apprendre de votre lumière. OK? Donc, moi, quand je fais parler quelqu'un puis que c'est l'entité qui se manifeste, souvent, je vais demander à l'entité quelle question tu aimerais que je te réponde, étant donné que tu es sur le cas de la personne. Pour vivre une réponse. T'sais, pour être dans sa lumière, pour avoir accès à une réponse. Bon, comme moi, je suis un initié, je suis capable de répondre à n'importe quoi. Fait que pose-moi ta question, puis je vais répondre pour la personne. Fait que tu vas pouvoir la libérer du contrat que tu as avec, qui vient d'une autre vie, puis qui vient d'ici, puis ça. Bon. Fait que c'est sûr que l'astral a tendance à vous engager dans le jeu pour vous placer dans une sorte d'engagement qui est lié à la forme, pour que vous soyez un petit peu comme esclave ou victime de la forme, pour vous emmener à vivre ou à vibrer des choses qui n'ont pas de lien direct avec la forme, mais qui bénéficient à l'âme, donc à l'astral, donc à l'entité. Pour aller comme chercher une compréhension de quelque chose. Fait que vous devenez des porteurs d'eau, des esclaves d'une mécanique astrale, d'une entité qui vise à vous placer dans le jeu et dans un engagement contractuel, comme je parlais à l'autre conférence, un engagement contractuel pour vous obliger à vous rendre à son terme à l'entité et non pas à l'évolution de votre esprit dans le rapport avec la forme. Je vais essayer de vous donner un exemple qui est très, très concret, qui traverse ce qu'on voit le plus souvent, le couple. Il y a une différence entre s'engager dans un couple pour s'obliger à quelqu'un et entrer dans une relation pour une étape dans laquelle tu vas évoluer et amener l'autre à se développer, mais où tu n'es pas victime de son développement, mais que tu es consentant mentalement, ça veut dire par ton esprit, à l'évolution de la relation. Mais que quand la relation a des ratés, parce que raté, c'est une façon de parler, quand il y a un bout qui doit être vécu individuellement, là, à ce moment-là, tu n'es pas concerné par l'engagement que tu as avec l'autre. Tu es engagé à évoluer avec l'autre, mais tu n'es pas engagé pour l'autre. Voyez-vous la patente, là? Ça, c'est très, très, très mobile, la relation de couple. Donc, c'est pour ça que quand on va voir les couples des temps futurs, ça va être des associations qui vont être placés pour une étape de vie, une évolution qui va fitter avec les capacités, puis les talents, puis les aspects dynamiques de l'esprit de la personne qui a besoin de s'exprimer dans la matière, qui a besoin d'exprimer son esprit sur son cheval et non pas être possédé par le cheval Donc, l'animal. Fait que tout le monde a une dimension animale qui est nécessaire, puis qui doit être, mais la dimension animale, il ne faut pas qu'elle mène l'esprit. OK? Donc, tu es en esprit, tu as une puissance d'adaptation, tu conviens avec une forme de... c'est comme Jean Lapierre, il était journaliste. Bon, ouais, il était journaliste, mais son esprit était actif là-dedans, et puis ça se faisait très bien, puis il était très, très, très intelligent. Mais il menait le show, là, tu sais. Il menait le show dans son affaire. Mais toute personne qui exprime son esprit est engagée de, par l'esprit, à s'adapter à un événementiel sans être pris par la forme. Tu sais, il y a une différence entre être pris par le couple puis s'engager à être à son maximum pour soi-même dans le couple. Là, voyez-vous la nuance? C'est subtil, mais qu'est-ce que c'est concret? Parce que il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de... Le mot exact, c'est... Il n'y a pas l'impression chez l'être d'être pris dans une obligation. Vous savez? C'est comme... C'est intelligent que ça se passe comme ça. C'est intelligent parce que tu as les ressources pour que ça se passe comme ça. Moi, je suis un maître dans la parole. Fait que, si je suis un maître dans la parole, c'est comme si je disposais de 100 millions de dollars et ma ressource... Je la fais profiter, je la partage avec des gens qui n'ont pas la parole, qui ne l'ont pas aussi facile que moi j'ai, parce que moi, c'est réellement hors du commun. Et puis là, ben, à ce moment-là, la personne bénéficie de ça, puis elle me fait bénéficier de ce que son esprit a comme talent, comme disposition à son talent. Puis là, elle met sa ressource en échange avec ma ressource. Puis il n'y a pas nécessairement des équivalences matérielles, mais il y a une nécessité de partager la ressource. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je regarde mon gars qui est un génie marketing. Si lui partage sa ressource marketing avec moi qui a besoin d'un réseau de distribution, qui a besoin de ci ou ça, bien, moi, je partage ma capacité de développement, puis lui, il me partage son mind marketing. Puis il y a... Tu ne peux pas établir d'équivalence financière. Tu peux juste dire, lui, il a une ressource, moi, j'ai une ressource, on échange de ressources, puis banjo, on vit. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dans la mesure où une personne est engagée avec elle-même, c'est-à-dire avec son esprit, il n'y a pas de problème d'engagement, parce que tu t'engages avec n'importe quoi avec qui tu peux partager une ressource. Oui, je suis capable de m'engager avec vous autres aussi longtemps que vous êtes prête à m'écouter. J'ai une ressource de communication phénoménale. Que j'aie 200 personnes, que j'aie 20 personnes, ma ressource est toujours la même. J'ai toujours une capacité hors du commun d'arriver à des registres de perception occulte puis d'explication occulte qui n'est pas accessible à tout le monde. Okay? Vous autres, j'avais vos ressources. Bon, là, pour vous autres, c'est dépenser 60$. Pour moi, ça permet de payer mes comptes. Mais c'est beaucoup. Tu sais, moi, je paye mes comptes, puis vous autres, vous avez accès à une ressource que vous ne pouvez pas avoir ailleurs. OK? Bon, moi, je rencontre une autre personne qui a une ressource, qui me partage sa ressource, et puis moi, ça me permet de vivre pour d'autres choses, puis etc. La personne ne lui demande pas d'être engagée vis-à-vis de ma personne, mais je demande, ben, je demande rien en réalité, mais si elle est engagée avec sa ressource, avec son esprit, elle va savoir qu'elle a quelque chose à faire en esprit, en dehors d'un raisonnement qui est purement de l'ego. OK? Ben, tu sais, à un moment donné, je vais... comment je vais dire ça, donc? J'écris un livre, puis Lise a dit, « Peux-tu le lire, ton livre, avant que tu le sortes? » Ah, ben, vas-y. Puis elle va me dire, « Daniel, t'avais une faute à telle page. Page 23, t'avais une telle faute. » Je check, puis bon, tu sais, comment ça fait que Antidote ne l'a pas vu passer, tu sais? Là, elle va dire, « Ben, c'est un computer, puis une limite, puis ta-ta-ta-ta. » OK, fine, correct. Je prends la correction, point final. Elle a une ressource, ça me fait disposer de sa ressource, puis bravo, fantastique. On peut dire ensemble, on va avoir fait quelque chose pour l'humanité. Plutôt que de dire, ah, elle a fait quelque chose pour moi. Ah non, elle n'a pas fait quelque chose pour toi. Elle a permis à ce qu'un événement se produise, puis si elle passe là, ben, il y avait une raison. Vous me suivez? J'étais avec Céline pendant 2 mois. Chris, Ça n'aurait pas été là. Puis s'il n'est pas encore là, parce que là, c'est elle qui a tout tenu compte de la patente. J'étais gelé comme une balle, moi, là. J'étais étourdi. Je me levais chez nous, je descendais les escaliers. Ah, c'était un show, t'aurais dû me filmer, t'sais. Je me tenais après à rampe d'escalier, là, puis je voulais pas qu'il se le cache. J'étais étourdi dans le pio avec l'air. Je voyais à rampe, là, des fois, je la voyais de même. J'étais ce petit calé, ça n'aurait pas pu faire bâtir ça, quand même un peu mieux que ça. Là. Puis elle me checkait dans l'escalier. « T'es-tu correct, là? » »« ben oui, ta gueule, c'est pas toi qui rames. » Il y a de la houle, le père, hein? Okay. Je descendais mon escalier, mais j'ai passé une semaine, hein? J'étais pas mal pacté, là, franchement. Maudit, des petites pilules tout petites, faire autant de dégâts, c'est débile. Et puis tout ça, elle avait une ressource d'ancienne infirmière, puis elle était pas tannée. Tu sais, pourtant, elle était à retraite, il y a une raison. Et que, non, elle n'était pas tannée. C'est, elle partageait ça là, généreusement. Là. Puis moi, Gris, ça me sauvait la peau. Ça n'a pas de saint bon sens. Pas d'allure. Fait que j'ai dit, écoute, pendant un petit bout de temps, si ça ne te dérange pas, je ne te chargerai pas pour les consultations. Pas les consultations. Ah, pas les consultations, pas les consultants, puis pas les conférences. Écoute, avec tout ce que tu as fait, couchez-vous, tout la patente. C'était parfait. Fait que, puis là, ben, ça y a donné un coco. Pendant l'air où j'ai été là, pas des fards. En tout cas, ça pour dire, à partager ses ressources, puis moi, pendant ce temps-là, ben, je montrais comment jouer avec la boule de cristal, puis comment travailler avec le contact, puis jusqu'où, tu sais, elle m'assistait à l'hôpital, elle me voyait bien, elle voyait comment est-ce que je trouvais des parkings, puis j'allais sur le contact, puis je tournais à la bonne place, puis en tout cas, ça a été une école pour elle assez intéressante. Fait que c'était notre trade. Moi, je te fais vivre de l'occulte, puis toi, tu me fais vivre du cheminement dans l'hôpital, puis un support dans l'escalier, s'il faut. Tout ça. C'est du partage d'engagement. Moi, je suis engagé dans l'occulte. C'est naturel, c'est facile. J'ai pas d'effort à faire. Parce que quand on parle le mot engagement, on a toujours l'impression d'un effort. On a toujours l'impression que c'est dur de s'engager. Hein? Tu es d'accord avec ça? Tu dis, hey, il faut que je m'engage avec un homme. Écoute bien, il n'y a pas un homme, astille, qui... il n'y a pas un homme qui t'a demandé de t'engager. Un homme, ça ne veut pas que tu t'engages. Ça veut que tu sois son esclave, Carlis. Il me semble que ce n'est pas compliqué à comprendre. Si tu es son esclave, pour lui, c'est parfait. Là. Il n'est pas engagé à te faire vivre. Tu y appartiens, puis il nourrit son oiseau. C'est tout. That's it. Envoie des raisins, puis envoie des bananes, puis envoie des noix, tu quittes. T'es contente, t'es heureuse? Bon, correct. On s'engage parce que tu m'appartiens. C'est ça, l'engagement? Après ça, la femme a dit, je vais mon identité. Elle dit que j'ai entendu une bonne à un moment donné. Elle dit, c'est ça. Elle dit, comment qu'elle m'avait dit ça? Elle dit, on se marie avec vous autres, puis il faut prendre votre nom. Puis elle dit, on perd toute notre identité. Elle n'a pas vu celle-là, moi, là. J'ai dit, pourrais-tu vivre avec quelqu'un puis pas avoir son nom? Hey, c'est pas légal. Ah, mais c'est pas. Tu peux être toi-même sans être nécessairement Madame Montembeau, tu sais. Hey, non, faut toi avoir le nom du gars. Elle dit, moi, j'ai décidé d'être moi-même. J'ai dit, ça t'oblige-tu à un comportement X d'être toi-même? Ben, en tout cas, faut expliquer au gars qu'on n'y appartient pas. Puis c'est vrai que c'est comme ça. Les astis de gars, ils veulent que tu sois ma femme. Wow! Quel engagement! Tu ma femme! Là, tu es engagé, là. Ma femme. Mon mari! Il est à moi, lui, là. Puis c'est vrai, tu. Tu sais, à Dundee, là, quand j'étais au restaurant, là. Hey, c'est mon gars! Hein? Mon gars. Puis lui, ouais, ça, c'est ma femme. Ben, il ne dit pas ça de moi. C'est ma femme. Que, tu vois que, ouf, ça, puis avoir une massue sur la tête, bang, viens-t'en, je te traîne par les cheveux, on est proche, là, tu sais. Fait que, c'est pas ça de l'engagement. L'engagement, c'est pas du contrôle de la vie de l'autre. C'est pas de la possession par le sexe, c'est pas de la possession par l'argent. C'est, t'achètes pas l'autre. L'autre, il a son propre mode de vie, puis tu le laisses vivre dans son mode de vie, et puis il y a une convenance de ressources, point à la ligne. Mais il n'y a pas d'endettement de ressources. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, le gars, Il n'investit pas dans sa femme. J'entends ça des fois, là. Ouais, ben moi, là, avec tout l'argent que j'ai mis sur ma femme, là. Ben oui, t'as mis tout. Écoute, t'es-tu heureux? T'étais-tu content de mettre cet argent-là sur ta femme? Tu sais, plutôt que d'avoir sorti dans le costume de bain, t'as vu, elle avait une robe de soirée, là. C'est-tu? Quoi ton problème, toi, là? Tu sais, puis les femmes qui cherchent à se faire prendre en charge pour appartenir à quoi, là? Pour signifier avec une bague, là, que t'es la femme d'eux? C'est quoi ton problème? Puis là, vous allez me parler d'engagement sur la base de la propriété? Non, ça marche pas. Fait que l'âme, propriété, puis l'esprit, c'est plus un rapport d'engagement autre qu'avec soi-même. Moi, j'étais obligé, là, après l'hôpital, là, je suis obligé de regarder. Mettons que on commence à m'enligner sur me découper un petit morceau. J'ai pas le goût de vivre ça, moi, là. Fait que j'ai dit, OK, fine. S'il m'en reste pas long, là, avant de commencer à me faire découper, pour toutes sortes de raisons, je vais être engagé avec moi-même. Moi-même, c'est quoi? J'ai besoin d'une base affective, mes chats, parfait. Je m'engage à les nourrir parce que j'ai besoin d'eux autres. OK? Fait que parce que j'ai besoin d'eux autres, je m'engage à les nourrir parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir de ça. Fait que je lui fournis une ressource pour qu'ils soient dans mon lit, pour que je puisse les flatter de temps en temps, puis que j'aie l'agrément de leur compagnie. C'est pas trop le cas, là, parce que Chris, il y a bien de la litière à changer. J'ai 6 litières à changer chez nous, à tous les jours. Fait que c'est que de le dire, je suis dans la marque. C'est pas clair, vous autres, moi, j'ai besoin de vous le dire que c'est clair. J'attends que ça sèche un peu, là, pour que ça sente pas trop, là, parce que quand c'est du frais fait, là, c'est dégueulasse. Mais je peux vous dire qu'il faut être engagé. Si tu n'es pas engagé là, ça c'est clair que tu n'es pas capable de faire ça. Tu es engagé, tu es capable de prendre le problème. Tu n'es pas engagé, tu ne peux pas prendre le problème. La marque de l'engagement, c'est d'être capable de prendre le problème. OK? Mais si tu prends l'engagement sur la base de l'âme, c'est tu es propriétaire de quoi, pourquoi, combien ça coûte, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je regarde les gens qui n'aiment pas les chats comme moi, j'aime les chats. Et puis tu vois bien qu'eux autres, même un chat, c'est déjà trop. Parce qu'ils ne sont pas engagés. Ils n'ont pas d'engagement. Je regarde Madeleine, entre autres, qui va écouter le CD. Madeleine, tu n'es pas engagée avec tes animaux. Bon. Fait que tu as un chat pour qu'il t'aime. Mais tu n'as jamais pensé qu'il fallait que tu l'aimes pour qu'il t'aime. Fait que si tu es engagé pour le qu'est-ce que tu peux soutirer de l'autre, il n'y a pas d'engagement là-dedans. Quand tu es engagé, tu rayonnes vers. Il y a un rayonnement vers. Tu vas faire quelque chose vers. Pas sous condition que. Vous me suivez? Moi, si je fais du travail avec l'affaire du contact, il y a un plaisir de le faire. Je me sens pas forcé de le faire. Je me sens capable de le faire. Et je le partage parce que je me fais un plaisir de le faire. Je fais des conférences parce que j'ai du fun. Je vais retourner à Dundee à soir, sacrément, c'est 1h30 de route dans la noirceur totale, avec des lignes jaunes qui sont jaunes pâles pas mal. Et puis, non, je vais être allumé. Je dormirai pas. Je serai pas fatigué. Pourquoi? Parce que je suis engagé dans ce que j'aime faire. Mais je suis pas engagé avec vous autres. Faut bien comprendre que c'est pas avec vous autres que je suis engagé. Je suis engagé avec le plaisir de parler sur le contact, de vivre sur le contact, puis de le partager avec du monde qui sont curieux de voir ce qui se passe avec le contact. Vous me suivez? Dans la mesure que vous êtes engagé avec votre propre ressource, vous pouvez dire que vous êtes engagé parce que vous n'êtes plus dans une condition de propriété. Moi, je suis pas un genre... écoute, vous auriez été 6 à soir, puis je l'aurais fait pareil, ma conférence. Vous auriez été 200, je l'aurais fait. C'est sûr que je l'aurais fait. Hein? Je l'aurais-tu fait, un gamer? Un PNS de compte, le tabarnak, débile. Là. Fait que ça, c'est pour me dire quoi? C'est pas conditionnel. Je l'ai fait sans condition. La propriété, ça établit une condition. Vous ne m'appartenez pas. Vous ne venez pas dans un mois. Je vais être malheureux, c'est tout. De ne pas pouvoir le partager. Pas d'être plus riche ou moins riche. Hein, vous êtes fourré, là. Il va-tu broyer? Non, non. Parce que j'aime ce que je fais. Okay, je le fais parce que je l'aime. Je peux le faire en individuel. Je peux le faire en consultation privée. Je peux le faire en petit groupe. Mes petits groupes de 10 le vendredi, c'est comme mon soleil de la semaine. Surtout quand tu pars de Dundee, là, que t'es en dehors de la civilisation, t'es avec les pygmées, là, pas, là. Tu t'en viens voir du monde, est-ce qui t'estime pas, ou que quand tu t'estimes, c'est trop drôle. Merveilleux, tu sais, t'as quand même quelqu'un avec qui t'estimer, là, c'est déjà pas pire. Puis la dynamique est que c'est le fun tout le temps. Fait que quand vous êtes engagé avec vous-même dans votre ressource, par rapport à votre esprit, puis que c'est pas conditionnel à une propriété, sacrement, je vous le souhaite de vivre ça. C'est votre raison de vivre. Sinon, c'est quoi? Sinon, c'est de la consommation. Vous allez consommer un couple. Vous allez consommer un travail. Vous allez faire tout sans conviction. Vous allez tout le faire parce qu'il y a une paye au bout, puis point final. Là. Il n'y aura pas de goût de travailler. Il n'y aura pas le goût d'être avec du monde. Moi, Chris, j'étais avec Céline, j'ai du plaisir. Fait que tout ça pour dire quoi? C'est que l'esprit s'est engagé avec lui-même. Il s'est engagé avec sa ressource. Il est venu au monde faire quelque chose, Chris. Puis il fait ce qu'il a à faire. Il fait en fonction de ce qu'il est capable de faire. Tu sais, j'ai été un bon père de famille. J'ai pas à me poser la question, c'était-tu correct, c'était-tu pas correct? Parce que quand tu es engagé avec toi-même, tu donnes le meilleur de toi-même. Après ça, dire... ouais, j'aimerais ça qu'ils me reconnaissent. Ça m'a passé, j'avoue. Là, tu sais, j'ai eu une petite faiblesse. J'aurais aimé ça avoir une reconnaissance d'une paternité extraordinaire. Tu sais, puis, t'étais le papa le plus. Manquait d'air, là, c'est tellement que je t'aime, papa. T'es arrivé à la fête des pères, puis il me téléphone, puis il dit. Ah, en tout cas, j'avais assez hâte que la fête des pères arrive, ou que ta fête arrive, puis. Non, ça m'a passé, mais ça a été de la propriété. Tu m'appartiens, t'es à moi, toi, là. Non, il m'a pas donné... Il m'a obligé à être évolué, là. Tu sais, bon, merci. Il venait à l'hôpital, il voulait me frapper, puis il m'a juste dit, en sortant avant de fesser, puis que les infirmières la sortent de l'hôpital, il a dit, c'est ton last call. Mon Dieu, quel message des forces. Ah ouais, Chris, allume, bonhomme, là. Il te reste pas grand temps pour pouvoir faire ce que t'as à faire, là. Merci, merci, merci. Ça, c'est un retour de flamme, d'une ressource qui a de son esprit merveilleux. Quel marketing! Ça rentrait comme une balle, dingue. Une grosse balle, une balle de 50 BMG. Hein? Yes, man, tu check bien ça. 5 ans, on va s'engager avec soi-même. On va me souvenir que tu me dis c'était le last call. Mais tellement last call que si toi, tu me reviens pas, ça va avoir été ton last call ce soir-là. Là, fait que tout ça pour dire quoi? C'est que de l'âme, ça cherche un contrôle. L'esprit, ça contrôle rien. Ça rayonne. Ça rayonne. Puis ça rayonne tout le temps. Et t'as rendu à la période de questions. Avez-vous une question là-dessus, sur votre rayonnement? Savez-vous de quoi vous rayonnez? Vous êtes-vous déjà posé la question, c'est quoi votre ressource? Vous ne savez pas, hein? Votre ressource, c'est tout ce qui se partage. Puisque vous êtes propriétaire, c'est tout ce que vous voulez posséder. Si vous voulez posséder votre ressource, vous êtes des êtres totalement astrales. Totalement astrales. Si votre ressource ne se partage pas, pour quelque raison que ce soit, vous êtes des êtres totalement lucifériens. En d'autres termes, démoniaques. Parce que vous êtes des êtres égoïstes et non pas égocentriques. Un être conscient, c'est un être égocentrique. Ça veut dire que ses énergies tournent autour de son orbite pour mieux se manifester. Maintenant, on disait tout le temps la parole ne t'appartient pas. Ton message est plus important que ton être comme messager. Moi, meurs demain matin, c'est le message qui est important, c'est pas le messager. Il n'y a rien à retenir. Moi, je suis une grosse tache brune. Je suis le même style linge sur le corps. Ben, non, me disait tout le temps, tu t'habilles pas, toi, tu te couvres. Ben, rien. J'ai aucun intérêt pour l'habillement. Malgré que je devais faire un effort pour vous autres. Parce que lui, il disait tout le temps, je m'habille pour mon public. Ah, peut-être qu'il faudrait que je fasse un effort. Il y a une grosse vente chez Uomo. Ok. Je sais pas, un petit habit, là, ou quelque chose du genre. Ça changerait-tu quelque chose, là? Hein? Il est trop tard. Il est trop tard, là. Maudit que t'es fait, un vrai scorpion, là. Cinglant, caustique. Mais il reste quand même que t'as écouté 16 CD non-stop depuis 2 semaines. C'est impressionnant. Puis c'est vrai que tu me vois pas habillé quand tu écoutes le CD. Fait que ça, faut que je garde une belle voix. Ça, c'est important. Maudit que c'est le fun d'avoir des gens qui ont de la ressource comme ça. Ben, tu vois bien que je t'appartiens pas, là, que dans le fond, m'habille, me couvre, comme tu dis. En autant, je lave mon linge, je suis vent, tout est correct. Je sens pas. De toute façon, à la distance que toi, tu me sentirais même pas le dessus de bras. Fait qu'on est correct. Avez-vous des questions? Attendez, je vais virer le tape d'abord. OK, les doubles questions. Deuxième partie, 149. L'engagement. Ah! On est rendu aux questions, je m'assois. Comment on détermine quand tu. Ta soirée, toi, là? C'est quoi ta ressource? Dans le sens que. Comment ton esprit t'invite à participer à ta ressource? Qui ou quoi bénéficie le plus de Claude Brousseau? Ben, les gens qui m'entourent. Ils bénéficient de quoi? D'une présence. C'est juste une présence. C'est suffisant? C'est ce que ça me dit. C'est suffisant? Oui. OK. Si c'est suffisant puis tu es conscient de ce que tu échanges, oui, c'est ça. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas besoin de t'y penser en te levant le matin. Ça se fait, tu le constates. Bon, bien, tout ce que tu constates, que ça fait être ce que tu es, mais dans lequel il va y avoir nécessairement un effort de fait, parce que ta présence, c'est pas aller t'asseoir à une place qui fait que c'est suffisant d'être présent. C'est qu'est-ce que tu fais quand tu es présent. Tout ce que tu fais pendant, comme moi, il faut que je parle. Tu sais, je dis, je comprends que je peux aller m'asseoir à une place, puis il y a des gens qui vont capter ma vibration. Mais ils vont goûter plus à la vibration si je commence à parler puis que je m'occupe de leur développement. Parce que moi, je suis un développeur. Fait que si je suis avec un individu puis que je parle 2 heures de temps, bien, c'est bien évident que ma ressource apparaît plus là que d'être assis à côté dans le métro, là. Donc, il y a un effort. Il y a un effort à faire qui n'est pas un effort, qui est ce que tu es naturellement, mais qui est nécessaire à être fait. Mon gars, il est plus facile à apprécier quand tu commences à parler de son marketing, sa mise en marché, puis toutes ces bébelles-là, parce que son talent est là-dedans. OK? Mais quand le gars, le président de la Banque fédérale de développement, va le voir à son bureau, ils vont pas voir Jonathan Ménard. Ils vont voir sa ressource, son talent à faire quelque chose, son talent à faire ce qu'il aime faire. Pas ses talents d'organisation, parce qu'eux autres même sont mieux organisés qu'ils peuvent l'être. Je sais pas si tu comprends. Ils s'en vont voir quelque chose qui est pas commun. Tu sais, on aime Jean Lapierre pour le côté pas commun, qui fait naturellement. On va tout le temps apprécier l'individu dans une ressource quelconque. Moi, je m'envoie une banque, puis ils me rendent la vie difficile pour acheter une maison, me financer. À un moment donné, là, tu sais, c'est comme... vous êtes plus mécanique que vous êtes vibratoire. Fait que conséquemment, vous ne faites pas votre job parce que vous ne partagez pas votre ressource. Chris, vous générez 1 million à l'heure. Puis vous n'êtes pas capable de le partager autrement qu'avec des gens qui sont riches puis qui vous font prendre aucun risque. Je ne sais pas si tu comprends que la Banque fédérale de développement est plus adaptée à une jeune entreprise qu'une banque. Fait que mon gars, il ne fait pas affaire avec des banques, il fait affaire avec la Banque fédérale de développement, qui ont du capital de risque. Tu me suis? Avec des règles qu'ils respectent, qu'ils ont appris quand j'y étais jeune, que j'ai dit, bon, ben, finance-toi pas à plus qu'une fois tes profits, tu sais? Puis il fallait rouler le plus souvent possible, deux fois, trois fois dans l'année. Puis défonce jamais ton budget au niveau des emprunts plus que ton chiffre d'affaires. Si tu fais 1 million de chiffre d'affaires, bien, emprunte pas plus qu'un million de chiffres pour à côté ton chiffre d'affaires, etc., etc. Fait qu'il mène une bonne gestion, puis là, à un moment donné, whoop, il impressionne le président de la banque qui vient de le voir. Il fallait une entreprise au Québec par province, il allait avoir une entreprise par province, puis ils ont décidé de lui le choisir parce qu'il y avait une gestion, 17 employés, pas de déséquilibre dans ses prêts. Il avait offert 2 millions de prêts, il en a refusé un, il n'a plus juste un, parce qu'il était sûr de son chiffre d'affaires à 1 million, mais il n'était pas sûr à 2 millions, etc., etc. Bonne gestion, ça impressionnait le boss, puis pouf, le boss était le voir. Bon. Tu as une ressource, et tu gères bien ta ressource, puis ta ressource, tu la partages. Il n'y a pas de fond, il n'y a plus de limite, puis il n'y a pas d'effort. Ton engagement est 100%. C'est quoi la fonction d'une banque? C'est de prêter, calice. S'ils ne prêtent pas, ils font quoi? Des profits sur le dos d'eux. Et ils ne prêtent pas ou ils ne prêtent qu'à des gens qui sont safe. Qu'est-ce qui a fait ta fortune? Le gros ou un paquet de petits? Je regarde Saint-Hubert qui s'est vendu. Là, le gars, il l'a vendu. Moi, asti, je boycotterais pendant 5 ans Saint-Hubert pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas... Il n'a pas joué son rôle social, le gars. Il s'est rempli les poches, point final, avec le dos des gens qui t'achetaient des corps de poulet. Là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce qu'il y a quelque chose dans la ressource qui est tombé dans une exploitation purement astrale auquel il manquait d'engagement. Rona, le même calice d'affaires. Puis ils ont raison, les politiciens, quand ils disent on va de redevenir une économie de succursale. J'avais le goût d'appeler mon gars, de dire, hey, Chris, il y a un gars qui t'a offert 2 millions pour ta business. C'est l'intérêt ontarien, américain ou québécois? J'avais le goût de te poser la question. Puis je dis, non, on ne touche pas au passé. Mais ça me tentait pareil, en esti. Parce qu'il s'est fait offrir 2 millions. Il a dit, non, je vais le garder jusqu'à l'automne. Mais qui t'a offert X montant? Tu es un entrepreneur du futur du Québec, Carlis. Tu fais partie des entrepreneurs qui peuvent relever. Tu fais partie de ceux qui peuvent donner des cours à des jeunes pour pouvoir être des entrepreneurs. Tu es capable de... tout ce que je t'ai donné comme info, tu peux leur donner aussi comme info. Tu vas-tu gaspiller ta ressource en voyage en Espagne puis avec ta guidoune, là, qui tout ce qu'il veut, ça va être fun, là. Comprenez-vous? S'il tombe dans la consommation, là, il va tomber dans la propriété, puis dans une sorte de superficie de l'âme, plutôt que d'être dans la profondeur de l'esprit. Il ne sera pas engagé avec lui-même. Vous savez? Question. C'est quelque chose d'engager avec soi-même, hein? C'est se connaître en maudit, je te le jure. Tu n'as pas besoin d'être engagé avec bien du monde dans la vie. Là. Tu peux avoir un enfant, tu peux être ta femme, puis tu es engagé là, dans le sens que j'appelle là, le développement. Là. Puis, OK, fine. Mais s'il y a un underground de contrôle, oh, parnac, watch les claquements, tu vas te faire astraliser là-dedans. Un être humain, ça ne t'appartient pas. Ça se côtoie. J'ai passé 2 mois avec Céline, là. Mon seul target, c'était d'engendrer de l'échange avec elle. Toutes les gens avec qui je suis, c'est toujours d'engendrer de l'échange. S'ils ne se présentent pas à l'échange, je ne forcerai pas. Mais si t'es proposé un entente d'échange, bien, Chris, partage-le, là, Chris. OK, ça. Question. Y a-t-il un lien ta fonction et l'engagement? Oui. Tu t'engages bien avec ta fonction. S'engager avec son esprit, c'est s'engager avec sa fonction. En fait, c'est il n'y a pas d'effort dans l'engagement. C'est comme tu constates que tu es engagé. Moi, Chris, j'avais 14 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à l'occulte. J'ai commencé à étudier l'astrologie, j'avais 14 ans. C'est pas vieux, ça, là. Puis j'ai commencé avec un de mes chums au collège, puis à l'Assomption, j'étais au collège de l'Assomption. Puis lui, il dit, on fait ça un concours, moi, je vais étudier la graphologie, puis toi, étudie d'autres choses, puis on va voir qui ce qui est le plus populaire. J'ai dit, attends, je vais prendre l'astrologie. J'ai pris un petit livre d'astrologie, puis j'ai commencé à faire mon show. Puis c'est moi qui ai gagné. J'ai dit, c'est dur la graphologie, hein? Il faut que tu prennes les écritures. Tandis que moi, j'ai dit, c'est quoi ta date de naissance? Puis là, on part. J'ai dit, c'est moi qui avais l'avantage, là. Je suis meilleur showman que toi. On était deux versos. Donc, lui est avocat, puis moi, je suis conférencier. Pas pour le même job. OK. Oui, tous les deux, on avait le pouvoir à la parole. C'est juste que moi, j'avais la bébelle la plus drôle. Les gens étaient bien plus intéressés à venir voir un gars comme moi qui était show-off que de voir lui avec tout son sérieux de tel caractère, puis le caractère fatal de la graphologie. Il n'arrêtait pas de dire, ben, en cours criminel, on en tient compte des graphologues. Tandis que lui, qui fait de l'astrologie, c'est un clown. Mais c'est pas le problème, c'est que l'humour, ça passe mieux. J'étais plus populaire, j'étais tout écoute. On était tous des jeunes de 15, 16, 17 ans. S'entends-tu qu'on n'a pas le goût de se faire la morale? Il n'avait pas pris le bon cheval. Bien, c'est là que mon feu s'est allumé. Les forces m'ont mis cette traque-là. J'ai dit, waouh, c'est intéressant. Puis ça, j'ai étudié en marketing. Puis j'étais tout le temps le premier en marketing. J'ai dit, si je suis si bon que ça en marketing, je vais me marketer. J'ai décidé d'être astrologue, d'aller à domicile. Puis en dedans de deux ans, j'étais rendu à 1000 consultations par année. J'ai dit, waouh, ça marche, ça, là. Je faisais un bon show. Puis j'allais à domicile. Puis le monde, t'as pas obligé de se déplacer. C'était pas gênant. Je tirais aux cartes dans la cuisine. Puis tout le monde était dans le salon. Puis il est bon. Puis là, quand j'ai vu que. Puis il est bon, j'ai dit, attendez, madame, on va faire ça sur une cassette. Puis ça, sur une cassette. Puis elle dit, il est bon. Et il t'a dit, moi, t'es qu'il faut écouter ça. Fait que là, il parlait de moi quasiment toute la semaine parce qu'il écoutait mes cassettes. Fait que là, j'avais de plus en plus de monde à cause des cassettes. Il avait-tu le marketing, tu penses? OK. Toute la game était là. Fais un bon show. T'es engagé, c'était facile. On a du plaisir. Plaisir, c'est la meilleure façon de mesurer si tu es engagé. T'as le plaisir et c'est naturel. C'est naturel. T'es aussi engagé que c'est naturel. Tu l'as, la ressource, puis c'est naturel. Puis ça fait du bien, puis ça permet à des choses de se faire. Il y a combien de gens, je lui ai donné des permissions. Dans le temps du Women's Lib, les femmes disaient, mon mari est dominateur. Avez-vous pensé passer trois jours dans un motel sans y dire où vous allez? Est-ce qu'il va vous aimer en revenant? Il va peut-être vouloir vous battre. Puis vous dites, attention, je vais appeler la police. Vous allez couler les hormones. Bien, des témoignages de femmes qui ont dit, j'ai passé proche d'en manger une. Hein? Vous avez la mesure de votre homme. Ouais. En tout cas, une chance, la police est là. Yes. Fait que là, il y en a qui ont décidé de se divorcer parce qu'ils voyaient bien qu'il n'était pas qu'un gars qui était intelligent. Puis ça a libéré bien des affaires. Ça a libéré la volonté de travailler. Il y a plein de femmes qui ne travaillaient pas, mais qui avaient un goût de travailler. Hey, on parle des années 80, là. C'est pas si loin que ça, là. J'ai commencé là-dedans, moi, dans les années 70-80, là. Shit, ça se cachait, le monde, ça fait tirer au cap. Des fois, je rentrais à une place, puis le bonhomme rentrait. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je dis, moi, je m'occupe de tes femmes. Ben, m'a sorti ça à la tête. Hein. Dans ce temps-là, écoute, j'étais sur la côte, mais j'étais 180 livres, pas mal en shape, puis bien violent, tu sais. J'ai dit, t'es sûr que tu veux manger une volée, là? Ben, t'as besoin de sortir. J'ai dit, il m'a sorti quand ta femme va me le dire. Puis là, il disait, chérie, sors-les. Elle dit, non, il en reste une à tirer. Tirer quoi? Tirer aux cartes? Ah, ben, calice. Il dit, c'est pas moi que tu vas tirer aux cartes. Tu n'as jamais offert à rien, toi, là. J'ai passé proche de me battre avec au moins une vingtaine de maris, moi, là. Il y en avait qui, je t'ai dit, qui étaient culottés comme femmes. Je t'ai dit que pour chercher la misère, là, il n'était pas pire partout. En tout cas, il fallait être en chier. 1500 par année que je faisais à la fin. Quand j'ai rencontré Bernard, je faisais 1500 consultations depuis 3 ans. Avant, ça tournait dans le 1000, 1200. Jamais en bas de 1000. Après 2 ans et demi de tirage de tarot, puis de réputation, puis de ta-ta-ta-ta, je faisais un minimum de 1000 consultations par année. Puis quand j'ai rencontré Bernard, je roulais à 1500 consultations par année. Il y avait-tu un bon show, là? C'était-tu naturel? Il était-tu engagé? Être engagé, c'était un party tout le temps. J'allais à domicile pour ça. Hiver comme été. Comme été, c'est facile, là. En plein hiver, là, 14 personnes, tu débarques dans la rue, 2 heures du matin, il y a une tempête de neige, tu reviens chez vous. Pas toujours évident. Pas toujours évident. Des fois, il fallait attendre que la charrue passe. C'était vraiment pas évident. Il fallait être motivé, il fallait être engagé. Mais engagé, quand il y a des obstacles, puis que tu es engagé, Puis là, tu as le plaisir de le faire avec le monde, même si le monde ne sont pas nécessairement reconnaissants à la mesure de ton engagement. Parce que moi, j'étais un clown. Faut t'oublier, là. Coupe pas ça, mais là, mais apparemment, vous faites un bon show. Ah, c'est un show, tu veux? Moi, t'en fais tout un. Check bien ça. Pour manger du spaghetti demain. Oh non, j'en mange pas juste parce que vous le dites. Je dis, vous allez me téléphoner, hein? Puis le lendemain, elle dit, j'ai été invité, puis j'étais obligé de manger du spaghetti parce que je ne pouvais pas refuser l'invitation. Elle dit, vous êtes pas mal bon. Je sais que je suis pas mal bon. Le spaghetti était-tu aussi bon que moi? Puis, tu sais, toutes sortes de patentes comme ça, là. J'ai bâti ça sur un plaisir de faire quelque chose. Pas parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Il y en avait que tu as réellement... Tu sais, que c'est... Écoute, quand j'étais avec un doyen de faculté de mathématiques de l'Université de Montréal, il dit... Tous mes étudiants m'ont dit que vous étiez super bon. Je viens ici pour vous planter. Ah, vous allez être malheureux, monsieur. Vous ne serez jamais aussi intelligent que moi. Vous allez voir ça. Je l'ai mis dans ma petite poche à gauche, puis je l'ai ressorti dans ma petite poche à droite, sans savoir par où il a passé dans mes culottes. J'ai eu le temps de péter dessus, là. Fait que, il dit, je ne crois pas à ce que vous dites, mais si vous êtes bon. Okay. Hey, j'ai fait le Père des Marais dans un show avec les filles. Puis le bonhomme, Père des Marais, il dit, lui, c'est pas un astrologue, c'est un fin psychologue. Il dit, croyez pas à ce qu'il dit, mais écoutez ce qu'il a à dire, c'est intéressant. Chacun son tour, hein? Tu sais, je comprends qu'il était contre l'occulte, puis c'est ça, mais moi, il m'a donné un terrain de réserve. Pourquoi? Je t'ai engagé, j'aimais ça! La BAT m'a offert une job pour aller travailler au Grand Prix du Canada, parce que c'est eux autres qui l'ont ramassé. Je dis, tu malade. Je fais déjà un salaire supérieur à ce que vous allez m'offrir, puis j'aime ce que je fais. Vous ne pourrez jamais me donner ça pour le Grand Prix du Canada. Je n'en ai rien à cirer de ça. Je m'en fous. Oh, mais tu vois, c'est une job en or. Il n'y a personne à qui on a offert ça. T'es un cas, là. On te regardait aller avec le circuit CMQ, c'était le... Il y avait Molson qui finançait le CMA, Canadian Motorcycle Association, puis nous autres, on avait la BAT avec le CMQ, Circuit Motocycliste du Québec. À un moment donné, ils ont décidé de faire une entente avec Molson pour lui laisser le motocross, puis eux autres prendre le Grand Prix. Fait qu'ils nous ont largués, on est obligé de fermer, parce qu'on n'avait plus de bourse, puis etc. Mais j'avais créé une grosse impression, parce que j'aime parler, j'aime développer. J'aimais mes coureurs pour lui faire découvrir des tracks. Quaticook. C'était rendu que CMA, c'est Canadian Motorcycle, venait nous magasiner des pistes parce qu'on avait les plus belles pistes au Québec. À la Sarre, ça, cette place-là. Moi, je trouvais tout le temps un gars qui avait le goût d'être avec moi pour bâtir une track, puis je l'aidais à bâtir sa track. Puis je ne me mettais pas trop haut, là, les gars vont se casser la gueule, puis papa, oh, on veut du spectacle. Inquiète-toi pas pour le spectacle. On t'a monté une track qui a de l'allure. Mais si tu as des blessés là-dedans, les ambulances vont arrêter et voir être à la course à tout bout de champ, là, pas intelligent. Puis là, je lui bâtis une belle track, puis c'était tout le monde voulait revenir, tout le monde voulait qu'il y en ait 2-3 dans l'été. La vie, là, quand tu es à ta ressource, là, c'est tellement facile. Je te regarde aller, toi, là. Chris, il y a un plaisir à faire ce que tu fais, là, tu sais, à t'occuper de quelqu'un, à le promener dans un hôpital, là, pas tant, là. Tu sais, juste à t'occuper de quelqu'un, à le promener dans un hôpital, ça vaut 1 000 $ par mois. Bon, les gens sont capables de payer ça, là. Mais tu lui trouves quelque chose pour 100 $ un après-midi, là, ils vont le payer. Ils sont tellement, c'est tellement perdu. Là. Écoute, tu as vu toutes les quantités de médecins qu'on a rencontrés. Ça vaut de l'or, ça. Ça vaut de l'or. Bon, moi, je suis capable de dire que tu as une job là-dedans, encore. T'sais, si tu as le goût, là, tu as encore de l'ouvrage là-dedans. T'sais, Madeleine, je ne pourrais pas. Madeleine fait des ménages, ça va mieux. Tu es plus vite sur le ménage que tu es sur les hôpitaux. Tu vas draguer ton monde avec les pilules, là, tandis que toi, non. Si tu ne veux pas apprendre, prends-la pas, mais ça va avoir telle conséquence. Okay. C'est facile quand c'est facile. C'est facile, tu le vois dans l'être, là, c'est facile. Mais vraiment, quand tu pognes ton... Quand tu pognes ton tanné, là, tu peux te tomber dans un... Ouais, je suis tanné, là. Mais si tu respectes ça, puis t'as un coco qui s'occupe de toi, là, hop, tu sais... Une demi-heure de coco, puis une heure de client, toutes les bébêtes. C'est une question de balancer ses vibrations. Moi, je balance mes vibrations parce que des fois, je suis fatigué. Tu sais, je pogne des piments forts des fois. Okay. Mais c'est facile de s'engager quand on est soi-même, puis quand on a une ressource à partager. Sacrément que ça va bien. As-tu répondu à la question? Maître Claude? Oui, c'est parfait. Parfait. Trop, hein? Non, il n'y a jamais rien de trop dans la vie. Mais on dit qu'il est philosophe, ce gars-là. Hein? C'est naturel. C'est profond, hein? Wow! Quelqu'un qui n'est pas dans sa fonction puis qui essaie de s'engager, il va se démolir lui-même ou il va s'engager au niveau de l'âme puis il va établir les conditions sur son environnement. Parce que les conditions, il veut être propriétaire. Hein? Fait que, il veut des résultats vérifiables. Puis il veut que l'environnement, il donne des résultats vérifiables. Il est comme une banque. Il veut un taux d'intérêt à tous les mois. Puis, ultimement, il va vivre une déception. Ben, inévitablement, la vie va le placer dans des situations qui sont hors du contrôle. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, si vous faites un contrat, donnez-vous une place pour que vous soyez capable de renégocier votre contrat, de reformuler. Tout ce qui fait que ça peut améliorer la vie de l'autre, mais d'une façon différente que le contrat initial. J'étais avec Monique, puis elle me prête 5 000, puis je dis, bon, ben, c'est 3 200 $ d'intérêt par année. Puis, pas 3 200, le clown, 320 $ d'intérêt. C'est tout un taux d'intérêt, ça, mon homme. 320 $, puis j'ai dit à la fin, j'ai dit, je peux te donner un canon qui en vaut 700, puis pour ton 320. Ça améliore ta vie, je te le donne avant échéance. On était rendu à 160 $ d'intérêt, puis j'y donne son canon, 320, qui en valait 700, parce que moi, je l'ai refait faire le mien, puis ça m'a coûté 700. Puis elle a un canon de spare pour sa carabine, qui fait que cette carabine-là... Elle va pouvoir tirer pour les prochains 5 ans facile, là, à coût de 2000 balles par année. Là. Et que, tu sais, c'est comme, j'améliore ta vie, je te reformule ton contrat, mais j'améliore ta vie. Mm. Tu comprends-tu? Mm. Et que, dans la mesure que moi, elle est souple, puis moi, je suis capable de reformuler le contrat, puis de satisfaire à sa demande, puis d'améliorer l'offre, puis de le quitter, la vie est belle. Comprends-tu? Mais si t'as pas de flex, là, si elle a pas de flex, si voir la déception, puis je pensais que, puis papa, puis bon, OK, correct, je vais vendre ma maison. Je suis à location. Il faut bien comprendre que tu as de l'âme, tu contrôles, tu possèdes, tu domines. Tu as de l'esprit, tu t'adaptes, tu t'es flex, puis tout le monde bénéficie de l'intelligence de l'autre. Ben oui. 95, 98% du monde, c'est des êtres. Moi, j'appelle ça des animaux. Mm-hmm. L'animal, coup-là. L'animal, là. Un animal, c'est un animal. Quand tu connais toutes ces games-là, là, puis que moi, je les ai toutes expliquées aux femmes et aux gars, Chris, si tu te fais pogner, c'est parce que tu veux bien te faire pogner. Ou tu cherches à faire du pouvoir avec ce que tu sais. Tellement imprévisible un être humain quand tu sais. C'est hallucinant. Après ça, un gars dit, je vais m'engager avec ce fille-là. Ouais, pour combien de temps? S'engage. Il ne faut pas vous engager, c'est un appétit. Vous pouvez vous engager, c'est un développement, mais pas c'est un appétit. Un appétit de sexe, un appétit d'argent, un appétit de prestige, là. Tu ne peux pas t'engager là-dessus. Là. C'est une garantie de te planter. Pas au début. À un moment donné, tu as une garantie de te planter. N'importe qui a de l'expérience de la vie va pouvoir te le dire. Toute personne qui n'a pas de l'expérience de la vie, je lui souhaite d'en manger une calice pour qu'il comprenne la leçon de la vie de l'âme. L'âme, c'est une foutue de belle école. OK, tu sais? T'as beau être ce que t'es et aimer ce que tu fais, que ça ne fait pas nécessairement l'affaire à tout le monde. Faut pas t'oublier ça non plus. OK. Être conscient, là, c'est un cadeau de la vie, si vous pouvez vous permettre ça. Vous ne pouvez pas avoir d'idée que savoir lire la vie, pas juste la sienne, celle de votre environnement, là, ça vaut de l'or, de l'or. C'est de l'or. Allez dans un hôpital, voir la misère du monde, allez juste faire un tour. Allez à l'urgence, promenez-vous dans les corridors, regardez la misère humaine. Il y en a plein vos bottes. Il y en a qui ont des petits bobos, mais il y en a que je te dis que c'est pas piqué des verres. La misère humaine. Elle n'est pas juste psychologique, elle est physique. Puis dites-vous bien que si vous êtes conscient, vous pouvez vous libérer de ça. On va vous donner une autre vie, d'autres genres de misère, mais pas celle-là.